Tout bitan nou ka fèt proprement. Tout bagayan nou carré. Tout bitan nou ka fèt proprement. Tout bagayan nou carré. Tout bitan nou ka fèt proprement. Tout bagayan nou carré. Tout bitan nou ka fèt proprement. Tout bagayan nou carré. C'est bon Dieu qui ou comment pas rajouter grain ça là ou pas en place ça. François Hollande. Stop. Arras. Moi qu'un sou bon moi ça vit normal. Baby on the right, gonna fly. Flex, si yo sans combiné, c'est yon tête à yo, c'est un filmant. Équipé, si yo fait vine, bé équipé. Zoke ou pati dépité. En pas si parole à yo, pas sans stop réel. Carré, t'es réel, on faux, carré, t'es en faux. Brille yo, tout lyrical, gunshot en tête à yo. Panitant, effet magique, cosmos, c'est large, musique, on t'es rapide. Mal parlé, si yo fait moins, en cas vivre ça, en cas dit. En cas fait l'agent. Proprement, l'agence sale qui a vu une bonne partie du gouvernement. Pec les sous, dis-moi ça pour en faire. Pendant 400 ans, bon nous coup de fouet, mais pas flipper, pas flipper. Mais pas moins qu'arrêter formé, mais pas flipper, pas flipper. Nous pas qu'arrêter chita encore. Nous qu'à tiens bé, red, criez-nous, moi sauf fait. En cas soumis, baba sans ça, ça pas qu'à faire plaisir. Négo politain, des pieds jusqu'au palais. Vous êtes pas prêts, je vais vous foudroyer encore et encore. Ça me fait marrer pour les plier. J'ai pas besoin d'être hardcore. Manu ça va présenter qu'on ça nous café. Signé un butin à faire frangin nous café. C'est bon Dieu et la famille d'abord après l'oseille. Qu'a dit ça qui s'y tient en moins avant aller au ciel. C'est bon Dieu et la famille d'abord après l'oseille. T'as dit ça qui s'y tient au moins avant, aïe au ciel, aïe au ciel. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaille en nous carré. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaille en nous carré. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaille en nous carré. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaille en nous carré. Nous ka fait carré, bitan nous ka fait carré. Nous ka fait carré, bitan nous ka fait carré. Nous ka fait carré, bitan nous ka fait carré. Nous ka fait carré, bitan nous ka fait carré. Nous ka fait carré bitan, nous ka fait carré. Nous ka fait carré bitan, nous ka fait carré. Nous ka fait carré bitan, nous ka fait carré. Nous ka fait carré bitan, nous ka fait carré. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaillant nous carré. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaillant nous carré. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaillant nous carré. Tout bitan nous ka fait proprement, tout bagaillant nous carré.